Salut les amis. Salut Charline. Aujourd'hui, on reçoit un dessinateur de BD qui parle de la menuiserie de son père. Camoulox. Mais non, Aurel, c'est un dessinateur et sa BD s'appelle La Menuiserie. Je voudrais qu'on trouve un sujet sur les entreprises. Il y a un sujet sur un patron qui a légué 9 millions d'euros à ses employés en partant à la retraite. Il voulait laisser une bonne image à ses employés. Mais c'est super. J'adore l'idée. Et pourquoi vous me regardez comme ça? On se demande quand est-ce que tu vas partir à la retraite. Ce serait con que tu nous laisses une mauvaise image. Je ne compte pas prendre ma retraite. Ça serait bête qu'en tant que patron, on ait une mauvaise image déjà aujourd'hui de toi, tu vois. Je veux bien mettre ma tournée de café, par exemple. C'est tout ce qu'on veut, un expresso sucré. On dit long, vraiment. Pierre Gattaz est plus généreux. Non, mais ça va, mais arrêtez, enfin. Mais bon, c'est pas grave, c'est rien, on continuera à transpirer pour l'émission. Et puis quand tu prendras ta retraite, on aura peut-être une bonne surprise. Ouais, si on n'est pas mort d'épuisement d'ici là. Bon, alors ça va, ok, qu'est-ce que vous voulez? C'est déjà beaucoup de bonheur de travailler pour l'émission. Par rapport aux petits Vietnamiens dans les usines, on est bien traités. Bon, alors c'est bon, alors je prends ma retraite. Je vais proposer la tranche à Cyril Hanouna et vous mettre des nouilles dans le slip. Vous voyez qu'avoir un beau patron, ça n'a pas de prix. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui surfe sur l'écume des jours. Et voici les trois informations qui vont glisser à toute vitesse jusqu'à 18h. Le lever du jour a eu raison de la nuit debout. La place de la République a été évacuée. Même la mairie de Paris décourage ceux qui veulent changer le monde. Eh bien, selon nos gentils hôtes, nos rêves seraient une psychose collective, une hystérie bien disciplinée. Ah oui, ça c'est vrai. Un patron sur le départ offre 1200 euros à chacun de ses salariés. En France, les employés n'y ont pas cru tout de suite. Ils ont d'abord vérifié et puis... Mes amis, il vient d'y avoir un véritable miracle. Le tourisme se développe sur les hauts lieux du communisme. En Albanie, on peut même passer la nuit dans un bunker and breakfast. Alors, si ça vous tente de ressentir une nuit la dictature... Recommencez jamais à venir me raconter vos sales maudites calomnies sur votre Russie. Continuez à croire à la mienne, moi. Bonsoir. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui nous a déjà sorti un haut de jogging à la Fidel Castro. Des doutes. Alex Vizorek. C'est vrai. Donc vous surfez sur l'écume des jours. C'est beau ce que vous faites, chérie. Vous avez un cœur, j'ai bien aimé. Et pour ça, je vous ai apporté une belle équipe. Une équipe de poètes à 17h20. Une équipe de surfeurs. Une équipe de surfeurs. 17h20 au cinéma. Il est proche d'un Jean-Louis Trintignant jeune par la sobriété efficace de son jeu. Alors qu'en chronique, il est plutôt l'héritier tout désigné délicat coup par l'exubérance assumée de ses costumes. Le seul homme qui se déguise en radio. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Alex. Il y a du costume? Il n'y a pas de costume aujourd'hui, non. Moi, j'ai parlé de la société cliquée dans laquelle nous sommes. Très bien, 17h30. Ce week-end, il a pesté sur son tourneur. Car samedi soir, il a joué près de la frontière luxembourgeoise. Dimanche, il joue à Cannes. En gros, c'est Gilbert Montagnier qui lui boucle ses dates en jouant fléchette sur une carte de France. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour et je salue mon tourneur que j'aime beaucoup. Bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je suis allé dans notre paradis fiscal européen à nous, au Luxembourg, effectivement, pour évoquer la fin du secret bancaire avec les habitants. Ils ont déjà anticipé. Si vous voulez, la fin du secret bancaire. Il y a des fonds d'investissement en tout genre. Ah oui, c'est la finance qui va remplacer la finance. Oui, oui. Et voilà, c'est la révolution au Luxembourg. Et à 17h40, vu le succès de ses chroniques, de nombreuses marques la voudraient comme égérie. Et c'est pourquoi très prochainement, elle sera le nouveau visage d'Alka-Seltzer, un produit qui lui va si bien. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Gros contrat. Oui, je suis ravie. Je vais réhabiliter les patrons. Ah, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Belle. Nous sommes sur Twitter, si vous écrivez sur hashtag annule tout, Alex Vizorek vous scrute. Nous sommes aussi sur Facebook. Et nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui vient présider cette émission. Vous êtes né sous Giscard. Vous publiez votre premier album de bande dessinée Django Reinhardt en 2003, quand tombe le régime de Saddam Hussein. Vous commencez à publier vos dessins dans Le Monde en 2007, quand le champion du monde de patinage artistique est français, Brian Joubert. Vous publiez un reportage dessiné sur les migrants qui s'appelle Clandestino en 2014, quand Manuel Valls devient Premier ministre. Et vous êtes... Aurel. Mais oui, mesdames et messieurs, c'est parti. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Oh, Morel, le caricaturiste de presse, qu'on peut lire dans, notamment dans Le Monde ou dans Politis, entre autres. Et là, vous sortez un album qui est une BD reportage, une BD sociale, même on peut dire, qui s'intitule La Menuiserie, chronique d'une fermeture annoncée. C'est paru chez Futuropolis. Et il s'agit de votre famille, tiens, chez les Froment. C'est ça. C'est quatre générations de menuisiers, l'entreprise Froment, qui a été dirigée par votre papa avant que. Qui a encore dirigé. Ah, encore deux ans, c'est ça. Enfin, jusqu'à hier, était encore dirigé par mon papa. Mais il est bientôt à la retraite. Oui. Et vous êtes dessinateur et vous ne reprendrez pas l'entreprise. Et non, je ne reprendrai pas l'entreprise. Eh ben, bravo. Bah oui. Alors, pour continuer dans les jeux de mots, on pourrait dire que je continue dans les planches et tout ça. La faute. C'est bien, on prend. Ouais, on aime bien. Attention, nous, on aime bien. Moi, j'évite généralement. Enfin bon, là, je me mets au niveau. C'est dommage parce que on y avait pensé dans une chronique, mais on va modifier. Et ben, elle s'était jalouie. Désolé. Bon. Mais oui, attendez, parce qu'il doit y avoir un lien entre les planches et les planches. Le étymologiquement, bah, les planches. J'en sais rien du tout. C'est vrai? La petite recherche à faire, Alex Vizorek, je peux vous lancer. Donc, non, je suis le fils qui ne reprendra pas la menuiserie. En même temps, on le savait depuis longtemps. C'était pas une découverte. Au moment où moi, je me suis posé des questions sur mon avenir professionnel, par exemple, mon père était très loin de prendre sa retraite. Je suis pas très vieux, mais enfin, bon, et il aurait fallu, déjà que j'apprenne à faire de la menuiserie, c'est pas aussi simple que ça. Il faut passer un diplôme, un CAP éventuellement, et puis faire des études. J'étais pas du tout parti là-dedans. Biochimie, vous, un BTS. Exactement, ouais, BTS et puis une licence de biochimie. La licence, j'ai jamais foutu les pieds, c'était juste pour avoir la sécurité sociale étudiante, mais nul n'est parfait. Vous sortez major de promo et là vous dites non, mais j'y vais pas, je vais faire du dessin. Exactement, ouais. Ben, je savais qu'en fait c'était un piège, sinon si je rentrais dans des écoles de biochimie, après avec un crédit, un chien, une maison. Écoutez, nous on se félicite que vous soyez dessinateur. Bon, merci. Mais donc il ressort du fait que vous n'allez pas reprendre l'entreprise familiale. Et donc, finalement, le fait de faire une bande dessinée où vous retournez dans l'entreprise, vous allez voir comment travaillent les ouvriers, pourquoi ça ne va pas se transformer en scope, pourquoi vous n'allez pas y arriver, tout ça, ça forme une bande dessinée sociale, on peut dire. Ouais, sociale, un documentaire, une BD documentaire un peu. J'ai essayé justement d'aborder ça de manière... le point de départ, il est évidemment personnel, parce que c'est... c'était au-delà du fait de dire je reprendrai pas la menuiserie, donc il faut que je fasse quelque chose pour marquer ce moment-là. C'est des retours de lecture que j'ai aussi. C'est aussi ma contribution à cet héritage. C'était pas vraiment ça le but de départ. C'était plus égocentrique. J'avais envie de que tout ça ne se perde pas. Si la menuiserie ferme, il restera la bande dessinée. Ben non, mais j'avais envie de faire passer ces images, en effet, de ces, alors les odeurs ne passent pas dans un livre, mais les odeurs de bois, de copeaux, ces ambiances, le bruit qui n'est pas là non plus, mais j'ai essayé de le transcrire d'une manière ou d'une autre. Par exemple, je parle de chez ma grand-mère, c'est juste en face, de l'autre côté de la route, on entend les machines en permanence, quoi. Et moi, ma grand-mère était institutrice, donc elle travaillait pas le mercredi, elle finissait le soir à la même heure que moi. Je passais mon enfance à faire mes devoirs chez ma grand-mère et il y avait ce bruit de menuiserie en fond en permanence. Votre grand-mère qui écoute un autre bruit, celui de France Inter. Exactement. Parce que régulièrement, les quatre on entend. De France Inter. Ouais, exactement. C'est comme ça que vous avez les informations et vous retranscrivez tout cela dans l'ouvrage, dans la BD. Et donc, c'est aussi le quotidien, c'est-à-dire et la grand-mère qui habite près de la menuiserie, qui fait à manger, qui reçoit votre père le tous midi, les midis, va manger tous là-bas. Midis, son fiston, ouais. Vous discutez avec chacun des ouvriers et puis il y a la société française et cette France qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui transparaît aussi, qui est inscrite dans l'actualité. C'est-à-dire les mesures prises par le gouvernement qui ne sont pas adaptées au PME, etc. Exactement, en fait. Moi, mon métier aujourd'hui de dessinateur, je le fais, c'est du dessin de reportage, du dessin journalistique. Donc, ce qui m'intéresse quand je vais faire une bande dessinée, au-delà du point de départ hyper personnel, c'est de sortir justement du côté très intimiste, très personnel, pour faire du journalisme et aller voir les gens qui travaillent là, des gens dont on n'entend pas souvent parler, et puis aller autant voir l'ouvrier et parler de son quotidien de menuisier, mais aussi de sa vie de tous les jours, et aller voir mon père, ce patron, qui lui gère depuis près de 40 ans une entreprise de 4-5 employés. qui était un patron de gauche. On n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours de la même gauche tous les deux, mais voilà, qui est quand même de gauche et qui essaie de se dépatouiller avec tout ça. C'est pas simple. Il va jamais dire qu'il paye trop de charges, mais bon, c'est parfois aussi compliqué. Pour il y a plein de raisons qui sont compliquées. Donc voilà, j'ai essayé de parler de tout ça et de retranscrire tout ça le plus professionnellement possible. Et donc c'est La Menuiserie, chronique d'une fermeture annoncée, paru chez Futuropolis. Juliette Arnaud va nous en reparler dans une demi-heure avec des jeux de mots à base de planches. Qu'elle va corriger. Restez avec nous. Vous êtes sur France Inter avec Aurel. Et c'est qui Juliette Arnaud? Eh ben c'est John Jett. Mais ouais, sur France Inter, avec Aurel qui nous accompagne, le dessinateur. Il publie La Menuiserie, chronique d'une fermeture annoncée, la fermeture de l'entreprise familiale d'Aurel. Eh oui. Qui a grandi près des machines. C'est ça. Qui a grandi dans les planches. Planches, morceaux de bois plat en imprimerie sur lequel on grave un dessin. Et l'estampe tirée de cette plaque par extension. Voilà. Et voilà, pour la planche de BD, planche de menuiserie. Donc en fait, vous pensez que vous avez rompu avec la tradition familiale, et bien que dalle. Que dalle. Vous êtes un suiveur. C'est ça, exactement. Et autour de cette table, Alex? Eh bien, Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice et Juliette Arnaud par ordre d'apparition. Et Aurel, vous êtes accro à l'actu, vous la dessinez dans Le Monde et dans Politis, donc tout ce qu'on va dire n'aura pas de secret pour vous. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Nicolas Sarkozy va faire un appel aux dons pour sa campagne. On a quand même qui se foutent bien de votre gueule. Mohamed Abrini avoue être l'homme au chapeau, mais il prétend avoir vendu son chapeau depuis. Il y en a quand même qui se foutent bien de votre gueule. Et il y aura aussi des brèves. C'est vrai, il y en a quand même qui se foutent bien de votre gueule. Et on commence donc par cette information. Oui, apparemment, l'association Amis de Nicolas Sarkozy a lancé un appel aux dons pour préparer sa campagne. Voilà, Nicolas Sarkozy qui lance une quête. Je trouve ça tellement beau. Il pourrait peut-être lui-même faire quelques conférences à 100 000 boules pour se soutenir lui-même. Ça serait vraiment formidable. On reste à droite avec l'ancienne navigatrice Maud Fontenoy qui devient rédactrice en chef de la rubrique Environnement Santé du magazine Valeurs Actuelles. Et c'est la première fois que Valeurs Actuelles embauche une femme passionnée de voile. Barre à gauche. Oui, passons à gauche. On mentionne la visite de Manuel Valls au musée Grévin d'Alger. Ben non, Alex, non. Il a juste été voir Abdelaziz Bouteflika. Ah ou là? Parce que sur la photo. Mais non. Vous allez finir comme le petit journal et Le Monde. Hein, oui, vous savez, ils se sont vus refuser tous les deux les visas pour aller en Algérie pour suivre Manuel Valls. Car, et là je cite le Premier ministre algérien, Le Monde a porté atteinte au prestige d'Abdelaziz Bouteflika. Non, franchement, ce qui porte le plus atteinte au prestige d'Abdelaziz Bouteflika, c'est Abdelaziz Bouteflika lui-même. Mouvement citoyen. Oui, six mouvements citoyens lancent une primaire des Français qui vise à désigner un candidat hors parti pour la présidentielle. Oui, en gros, il s'agit de désigner un candidat anonyme. Un anonyme. Chaufferait Didier avec toutes ses chances sur ce coup-là. C'est con, ça. Économie. Pierre Gattaz déclare qu'il aime lire des poésies avant de se coucher. Voilà, apparemment, il aime lire Le Dormeur du Vals, qui est une très très belle poésie. Ça lui plaît énormément. Terrorisme à présent. Mohamed Abrini a été arrêté vendredi à Bruxelles. Il a déclaré être l'homme au chapeau. Mes enquêteurs n'ont pas retrouvé le chapeau. Non, il prétend l'avoir revendu. Voilà, alors je vous rappelle que dans cette même cellule terroriste bruxelloise, il y avait Lazez Abrahimi, qui, comme le disait son avocat... Monsieur, en fait des brocantes. Voilà, c'est la même bande. Il y a vraiment une filière là. Abrahimi qui a été retrouvé chez une logeuse. Oui, alors déjà Jawad c'était bien, mais là on tient Jawada. Oui, une certaine Myriam dit l'avoir hébergé, car je cite il m'a dépanné de 2 euros pour une bière, il m'a dit que ne savait plus rentrer chez lui parce qu'il avait claqué la porte derrière lui et oublié ses clés. Voilà, alors moi j'ai déjà très souvent essayé d'aller coucher avec des filles, je leur ai même payé beaucoup plus que 2 euros d'alcool, et quand je leur disais que j'avais pas mes clés, elles me riaient au nez. Alors peut-être que mon chapeau était pas aussi élégant que celui d'Abrini, mais ça me vexe un peu quand même. En transition internationale, en ce moment se déroulent les primaires pour devenir patron de l'ONU. C'est pas vrai, Geoffrey Didier avec toutes ses chances, c'est con, elle s'inscrit à la mauvaise. Les retours en France à Agnès Sahel. Oui, l'ancienne patronne de l'INA a été condamnée à payer 4500 euros d'amende dans l'affaire des taxis. Soulagée, elle a déclaré « Je m'en sors pas trop mal, c'est à peine le prix d'un aller-retour Paris-Berlin ». C'est pas faux. Média, le producteur historique du zapping de Canal+, serait en passe d'être viré. Et ce serait Cyril Hanouna qui reprendrait la production de cette séquence. Oui. Canal+ a été tellement bien remise au pas que l'émission la plus subversive de la chaîne, c'est la publicité. Musique. Stromae pourrait adapter Le Livre de la Jungle en comédie musicale. Et c'est bête, moi je pense qu'il aurait dû adapter Bambi. Il avait la chanson phare, Maman où t'es. Et des brèves. Royaume-Uni, oui. Un parc d'attractions interdit à ses visiteurs de crier. Oui, la femme d'Alain Finkielkraut a prévu de lui emmener très prochainement. Et une petite dernière pour vous. Un de 2 points, un Airbus A320 s'écrase sans faire de blessés. En tombant d'une grue. Voilà, Al-Qaïda s'est empressé de ne pas revendiquer cet attentat. Aurèle, je pense qu'on est bien. Ah, on est à fond. Voilà, maintenant on part sur de bonnes bases. C'est ça. Pour aborder le premier sujet avec Aurèle, la nuit debout n'a pas eu le temps de voir le jour ce matin, qu'elle a été délogée de la place de la République. Alors elle pourra s'y réinstaller ce soir, mais la loi, c'est l'état d'urgence. Il a bon dos, l'état d'urgence, alors que la jeunesse de gauche avait réinstallé un forum au cœur de la cité. La... Enfin, tu vas pas sortir maintenant, regarde dehors, c'est plein d'agents. Non, pas passé de désir, c'est je m'en vais leur botter les fesses. Mais voyons, Fiston, ne vois-tu pas que c'est les rouges qui sont derrière tout ça? Oh, papa, je t'en prie, tu déconnes, c'est la peur du rouge, ouvre ta corne. C'est là. Révolution, c'est Vive la France, le film documentaire de Michel Audiard. Ah oui. Alors, pour occuper la place de la République, le mouvement Nuit Debout doit demander des autorisations à la préfecture, évidemment pour squatter l'espace public. Et les citoyens ont été délogés ce matin. Est-ce que c'est un sujet d'inspiration pour vous, la Nuit Debout, Aurèle, et d'autant plus depuis qu'ils se sont fait dégager ce matin? Oui, c'est déjà toujours rigolo de demander l'autorisation à la préfecture pour faire la révolution. Je trouve ça assez rigolo comme concept. Oui, alors après, c'est poli. Oui, voilà, c'est poli. S'il vous plaît. Après, j'avais du mal à m'offusquer du fait que, parce que j'ai l'impression que ça a été fait assez calmement et puis qu'ils pourront revenir ce soir, donc ça met peut-être un peu de bazar, voilà. Mais ce que je trouvais plus scandaleux, c'était les maires dits de gauche, enfin PS, qui disaient que c'était quand même pas très bien, qu'il y avait des casseurs et tout ça, et que donc il fallait faire attention. Là, moi, ça me, enfin, je le fait qu'ils soient pas soutenus. Pas oui, enfin soutenu, enfin je veux dire, s'ils font ça, c'est pas pour être soutenu par le gouvernement. Au moins d'avoir des sympathies. Mais voilà, enfin je veux dire, c'est hallucinant que François Fillon dise qu'il n'est pas d'accord avec ça, que Valérie Pécresse le dise aussi. Ah, Valérie c'est Pécresse, elle n'est pas contente. C'est normal. Elle, pas contente. Oui, elle dit qu'il y a beaucoup de dégâts pour les blocages. Elle a fait l'addition déjà. Ouais, ouais, 450 000 euros, elle n'est pas contente. Salé. Ça coûte cher la révolution. Bah oui, les jeunes qui s'expriment, c'est horrible. non, mais enfin, en plus, c'est pas que des jeunes, c'est n'importe quoi de dire que c'est des jeunes. Mais, Ah oui, moi j'y suis allée dimanche, c'est pas que des jeunes. Hein. Ah oui, c'est vraiment pas que des jeunes. Alors. Vous l'avez cherché, Juliette. Juliette voulait dire, il y a toutes les générations, il y a des 68 heures nostalgiques. Ah oui, oui, non, mais c'est ce qui fait le côté charmant de l'affaire. Mais non, il n'y a pas que des jeunes. D'ailleurs, ils ont soulevé des pavés. Ils ont fait un potager en soulevant des dalles. Mais de ça ressemble beaucoup à un film, je sais pas si vous avez vu, qui est remarquable, qui s'appelle L'An 01 de GB. Le dessinateur GB, qui est un créateur de Charlie Hebdo, oui. Il a fait un film, enfin il a fait un livre au départ et des chroniques dans avec Charlie Doyon, Hebdo. Avec Doyon, il l'a fait. Il l'a fait avec Doyon, ah ouais, voilà. Il l'a réalisé avec Doyon. C'est un des premiers films de Doyon, je crois. Ouais, le premier quasi. Et avec Gérard Depardieu, avec Jacques Higelin, c'est un film en noir et blanc formidable. Et dans ce film, ils creusent les trottoirs, enfin ils arrachent le goudron des trottoirs pour faire des potagers, et plus personne ne va travailler, et c'est un film absolument génial qu'il faudrait revoir et dont il faudrait s'inspirer. Ah bah nous je aussi, pense. Il faut que vous le voyez, c'est très important. Je vous le dis. Hein. Merci Parfait Polygien. Il n'y a pas que des vieux à la vie de vous. Il y a aussi des traits. Alors justement, pour terminer avec ce sujet, Juliette, vous disiez, il n'y a pas que des jeunes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fossé là entre les jeunes aussi, les vieux plutôt post-68 qui ont bien profité des choses, et puis les jeunes qui sont aujourd'hui dans la précarité et qui regardent les vieux qui sont peut-être un peu sucrés. Ah bah, ceux qui ont fait 68 maintenant, ils sont au gouvernement et c'est les réacs d'aujourd'hui. Quoi, donc, oui. C'est normal que les gens qui sont pas qui sont pas au pouvoir, que ce qu'ils soient jeunes ou moins jeunes et qu'ils soient pas installés dans ces instances-là, revendiquent un peu de autre chose, quoi, parce que je crois que c'est surtout ça. Quand Manuel Valls vient faire des propositions aux jeunes, j'ai un peu l'impression qu'on a envie de lui dire, mais c'est même pas ça qu'on demande, quoi. C'est vraiment autre chose, quoi. Et vous comprenez pas. Ils voulaient prendre l'apéro, les jeunes, juste avec Manuel. et le regard d'Aurel sur La Nuit Debout et ce mouvement qui prendra sans doute, on espère, d'autres formes, on pourra le retrouver sous votre crayon, dans Politis ou dans Le Monde, notamment. Eh ben, ouais, vous en parlez en ce moment. Ouais, oui. Quand je peux, j'en parle. Hippolyte Girardot. Oui. Alors vous? Oh, ben écoutez, moi je suis heureux d'être parmi vous. Et très étonné, parce que normalement il était prévu que je sois en tournage en Italie. Mais le metteur en scène, il a voulu un peu se reposer avant de finir la semaine prochaine. Donc je suis là. Vous le fatiguez. C'est peut-être pas moi seulement qui le fatigue, vous savez. Mais bon, c'était une décision inattendue, mais possible. Pas totalement inenvisageable non plus. Comment j'aurais pu y penser? Comment j'aurais pu même le prévoir? Vous savez, comme les applications météo avec risque d'orage, 60% de chances qu'il pleuve, vous voyez? Ça serait pratique. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout. L'expérience m'a prouvé le contraire. J'avais un jour off avant de rentrer, donc j'ai loué une Vespa pour me promener comme Gregory Peck, mais sans Audrey Hepburn, puisque de toute façon j'étais à Turin et pas à Rome. Et puis en la rapportant, cette petite Vespa, le loueur m'a dit « Prego signore, faites-moi une note sur TripAdvisor. Hein? È molto importante per me, fammi piacere. » J'ai dit « Bien sûr, come no. Ne te préoccupe pas, je le fais. » Bon, je rentre à l'hôtel, je me dis « Porco Dio, mais c'est quoi ça ?» C'est quoi ce monde? Il veut une note. Une note. Mais moi, quand j'entends le mot note, moi, je deviens irritable. Moi, je deviens genre arrabbiato. C'est quelque chose d'épidermique. L'impression de retourner à l'école, l'école en France, en tout cas, l'école du mérite, de l'excellence, des bons points, des encouragements, des félicitations, des avertissements et des mauvais points. L'école du chacun pour soi et sa gueule, et crève, moi je serai premier et toi deuxième. Tu vois, je deviens comme à la vie. Attends. Alors j'arrive à l'hôtel, je prends ma valise pour rentrer à Paris. En partant, le type me dit « Monsieur, prego ». Allez, pour dire quoi cosa? Je dis oui. Ma fa una nota TripAdvisor. Une notation est molto importante per me. Je dis ok, si, non te preoccupa, je te ferai ta note. Et je pars, mais arrabbiato, genre harissa, là, d'un seul coup. Je monte dans le Uber. Et bien, imaginez-vous, pour prendre l'avion. Et là, pareil, quand je sors, le mec me dit, vous mettez des petits stellates, non, les petites étoiles sur le truc, pour noter, ah là, arrabbiato, mais j'explose. Je deviens fou. Alors, je me dis, c'est ça le monde maintenant, hein. C'est l'ubérisation, c'est ça le nouveau monde en avant. Alors voilà, comme dirait l'autre là, le capitalisme décomplexé, vas-y que je te note, et vas-y que je t'étoilise anonymement derrière l'ordinateur portable, et vas-y que je te dénonce la gueule par derrière, hein, tout en se prévalant évidemment d'être à la pointe de la modernité. Mais oui, c'est la modernité, mais c'est la modernité du totalitarisme, oui, quand même. Non, effectivement. On est enfin à la pointe high-tech de ce que laborieusement la Stasi en Allemagne de l'Est ou le FBI de Edgar Hoover aux États-Unis pratiquaient avec leur population. On note, on évalue, on trie, on dénonce son voisin, son taxi, son hôtel. On flique. Voilà, on flique. Et là, pas besoin de faire des interviews, des enquêtes, des filatures. Il suffit de faire un clic. Je clique, je flique. Je flique, je flique. C'est pas très compliqué, non? Et ça se danse en plus, tout le monde le retient. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'en cliquant les autres, on se fait évidemment cliquer soi-même, parce que tous nos choix sont enregistrés et dessinent un double virtuel et numérique de nous-mêmes que des calculateurs eux-mêmes évaluent pour mieux nous fliquer. Je clique, on me flique. C'est chic. Mais oui. Alors je me suis dit que c'était très bien. C'était très bien qu'il n'y ait pas une application genre réalisateur advisor où je puisse voir les bonnes et les mauvaises notes de mon metteur en scène. Non, c'était bien de rester dans l'imprévisible, dans le soudain, le fortuit, le bazar, l'inédit de l'avenir. Alors sans déconner, Uber, Tinder et tutti quanti. Lasciatemi cantare. J'ai cru que vous alliez dire Vacan Cool, mais bon. Non, je reste poli. Et si ça vous a plu sur hashtag Annule Tout, vous pouvez donner une note à cette chronique. Hippolyte Girardot, pour savoir s'il reviendra la semaine prochaine. Hippolyte Girardot. Le monde cliqué. Ah, l'Italie vous inspire, je mais le sens. Mais oui, je le sens, moi aussi. Nous sommes sur France Inter. Il est 17h34 au vent. C'est comme ça qu'on dit chez Auvence. Vous. Ah, c'est Auvence. Voilà, ça y est, j'ai fait une boulette. Auvence, c'est le lieu de l'action, hein, de la pourtant, menuiserie. Pourtant, il y a beaucoup de Belges qui viennent l'été. Ah bon mais jamais, j'aurais dû y aller. Ouais. La menuiserie chronique d'une fermeture annoncée aux éditions Futur. Turopolis. Aurel est avec nous jusqu'à 18h. Et après les notes et la vie qui va vite, Slow Life nous propose Oxmo Puccino. Slow Life. Dorénavant, je suis dans la Slow Life. Au pire, la chair humaine, prendre son temps n'a rien de trop naïf. Tellement d'enfoirés font droit vers le mur. Va falloir en construire un autre moins dur. Afin de ne pas comparer son malheur au suivant, il faut décider d'être heureux de son vivant. Le boulot fini, honorer la quittance. Pense à l'horizon en séparant les distances. La slow n'est pas la no life. Sors tes antennes 4. Respire un peu, écoute ce cœur battre. Faire la différence entre le lieu et l'espace. Spectateur, sa vie au mieux c'est l'extase. Slow life. Pas de slow motion. Ils craignent qu'on les comprenne loin de mes hautes notions. Dans le propos pluridimensionnel, même en temps sont d'exception ascensionnelle. Un conseil, avoir venir des moments meilleurs. Semer quelques souvenirs, devenir le cueilleur. Fini les journées typées par l'écran tactile pour livrer la pensée à des visions fertiles. 2 heures au téléphone avec Kim Chapiron. Tapis rouge, le monde change à tatillon. Adopte la slow life, tu vivras bien. Quelquefois, gagner du temps ne vivra rien. Slow life. Slow life. À cheval sur une tortue, j'arrive au galop. Hein, depuis que la mort tue, faut y aller mollo. Slow life. Tête à tête entre lovers, vendredi soir, cocktail, c'est la slow life. Bonjour les vacances, allume le barbecue, chill, c'est la slow life. De l'audace contre le burn-out, un bon dodo, plus de yeux au beurre noir. Guerrier pacifique, patient de ceux qui chuchotent. Laisse-toi flirter, lâche-toi, mais pas si vite. Fais pause, oublie la taille et la performance d'après les détails. C'est au centre que ça recommence. J'ai trouvé un mot qui rime avec plutôt riche. Mais je garde au frais pour quelques nuits torrides. Il est 17h37 au Vence, parce que je m'étais trompée tout à l'heure. Et à Paris, et vous êtes sur France Inter, nous sommes en compagnie du dessinateur Aurel et autour de la table, Alex. Eh bien, nous avons Hippolyte Girardot, beaucoup de bonnes notes, 20 sur 20 pour Yamina, il faut pas faire mieux pour Mick Malo sur hashtag annule tout, nous avons beaucoup de bonnes notes. On Juliette peut noter Ardo, ce jeu de mots aussi. Oui, bah, je trouve que ça va. Juliette Ardo qui aura des bonnes notes et Guillaume Meurice qui régulièrement ramène des mauvaises, bien entendu. Oui, je suis désolé. Bah, c'est votre tour. Eh bien, je suis allé défiscaliser ma chronique au Luxembourg aujourd'hui. Très bien. Et je vais donc vous parler d'optimisation, d'évasion, de gestion de patrimoine. Tous ces montages pratiqués par des gens qui semblent avoir en commun la profession de leur maman. Hein, puisque si j'en crois la rumeur, elle serait systématiquement prostituée. Hein, c'est vrai, on entend toujours, quand il y en a un qui se fait choper, tiens, encore un fils de pute. C'est quand même un sacré hasard. Alors moi, je voulais me faire un avis en allant directement sur place. Alors je vais être honnête, hein, en arrivant, j'avais pas mal d'a priori sur le Luxembourg. Déjà, les habitants, ils s'appellent les luxembourgeois. Hein, y a quand même luxe et bourgeois dedans. C'est comme si les habitants de Neuilly s'appelaient les vieux cons comme leurs pieds. Hein, ça serait, voilà, ce serait logique, mais bon, voilà. Mais bien, j'ai été surpris. Je vous jure, j'ai été surpris. J'ai rencontré, par exemple, une luxembourgeoise qui m'avait l'air de connaître l'extrême précarité, puisqu'elle vit où ? Je suis à Londres. J'ai des maisons dans la province de Luxembourg, en Belgique. Et ça fait 55 ans que je viens au Luxembourg. Et chaque fois que je suis en Belgique, je viens au Luxembourg. Qu'est-ce que vous pensez de la fin du secret bancaire au Luxembourg ? Moi, je trouve que c'est dommage qu'il n'y en ait plus de secret bancaire au Luxembourg. Pourquoi ? Il y en a partout. Il y en a dans les Channel Islands, il y en a aux Bahamas, il y en a partout. Donc autant avoir un paradis fiscal pas loin de chez nous. J'aime pas le terme paradis fiscal parce que je trouve que... Je ne sais pas si je peux être honnête. Ah bah si, tu peux être honnête, c'est le moment. Il ne manquerait plus qu'elle vive dans les coins les moins imposés de la communauté européenne et qu'elle ne soit pas honnête, ça serait quand même dommage. Mais c'est vrai qu'il y a un projet de fin du secret bancaire, hein, au Luxembourg qui est d'actualité et qui les fait bien tous flipper. Alors pas de panique, hein, la dernière fois que la Commission européenne a pris une décision politique qui ne soit pas favorable au lobby bancaire, ça date du temps où une personne prétend avoir vu Juliette Arnault à Jeun. Ah, donc ça date pas d'hier. Et puis en réalité, c'est sans doute une légende le truc. Donc, bon. Mais en attendant, cette brave dame, elle voulait être honnête. Je suis très honnête. Je viens d'un tout petit milieu. Mes parents se sont crevés. Je me suis crevée. Et maintenant, en Belgique, on vous suce à sang. Vous vous sentez spoliée ? J'ai l'impression que oui. Moi, je n'ai qu'une tante. J'ai hérité de ma tante. Ah oui, vous avez hérité ? J'ai hérité. Oui. Ah, parce que vous venez de me dire que vous vous étiez crevé au boulot pour avoir votre argent. Oh, écoutez, voilà. Je ne sais pas, vous gagnez probablement plus à m'interviewer là que je n'ai jamais gagné de ma vie. Oui, ça me paraît évident, ça me paraît évident. J'y réfléchissais l'autre jour, hein, dans l'une de mes propriétés au Baléares, tandis qu'Hippolyte Girardot me ventilait avec une feuille de palmier et que Pierre Gattaz me massait les pieds. Elle a raison, cette dame, hein. D'ailleurs, je conseille à ceux qui font des placements financiers au Luxembourg d'arrêter de s'emmerder avec ça. Hein. Faites chroniqueur à France Inter, le vrai business, il est là, quoi. Hein. Et en plus, je vais vous dire, le Luxembourg, ça craint, hein. C'est extrêmement mal fréquenté. Il y a de plus en plus de pauvres et beaucoup, beaucoup de délinquance, hein, n'est-ce pas, monsieur ? Il y a un peu de mondicité, mais paraît-il que ce sont des directives européennes. Et les directives européennes, oui, bon, qui imposent la mondicité, la libre circulation, Schengen, alors vous voyez tous ces... Par exemple, ce matin, on m'a volé deux chaises. Je crois qu'il y a du vandalisme au Luxembourg. Oui, c'est peut-être qu'on va les retrouver au fond de la rue, là-haut. Voilà, ah, vous voyez, ça craint au Luxembourg. Il y a des hordes de malfrats qui volent des chaises pour les déplacer de rue plus loin. Alors, vous faites comme vous voulez. Hein. Bon, si vous aimez le danger, allez au Luxembourg. Hein. Mais ne comptez pas sur nous pour aller récupérer vos chaises. Hein. Prenez vos responsabilités. Ce monsieur, il les prend, notamment quand il donne son avis sur l'optimisation fiscale. Moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Je trouve que c'est de l'hypocrisie parce que on tape toujours sur le petit Luxembourg. Ça fait lourd quand même. Hein. Le luxembourgeois est discriminé. Oui, il est discriminé. On est un peu jaloux du Luxembourg. Les Français, les Allemands, les Belges, tout ça. Ça veut dire quoi le secret bancaire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens de France ou d'Allemagne ou de Belgique, bon, qui ont travaillé, qui mettent 4 sous de côté pour leurs petits enfants, pour aller en vacances. Mais oui, mais bien sûr. Et vous, enfoiré de gauchiste, vous voudriez leur enlever les 4 sous qu'ils ont de côté, les 4 sous qu'a mis la BNP, la Société Générale ou la Banque Rothschild pour simplement quoi, emmener leurs gamins en vacances. Vous vous rendez compte, hein, juste leur payer une glace, voilà, une glace vanille caviar. Vous y pensez. Vous n'avez pas de cœur, vous êtes que des brutes. Vous ne serez jamais, je vais vous dire, les bienvenus au Luxembourg, car le Luxembourg, il est comment selon cet autre habitant ? Le Luxembourg est formidable. On n'a pas de montagne, on n'a pas de mer, mais on a l'argent pour y aller. Ah, ça c'est une belle devise. La belle devise du Luxembourg, pas de montagne, pas de mer, mais du pognon pour y aller. Parce que pour l'instant, la devise du Luxembourg, c'est « Nous voulons rester ce que nous sommes hein, », qui est la devise de la Manif pour tous, hein, depuis la création de cette association progressiste en l'an de grâce 1405. Donc, c'est pas terrible. Et comme il me semblait bien inspiré, ce luxembourgeois, je suis resté avec lui pour parler de l'essence même de ce qu'est l'optimisation fiscale. C'est un sport, mais disons, à la base, il y a des impôts. Comment dire, c'est un réflexe humain de vouloir échapper à certaines choses inéluctables, y compris la mort. Ah, vous comparez les impôts à la mort? Ah oui, parce que c'est inéluctable. Ouais. Et mais la mort, contrairement aux impôts, c'est gratuit. Et voilà, ils préfèrent crever. Ils préfèrent crever que de partager leur pognon parce que c'est gratuit de mourir. Et c'est ça le vrai esprit de sacrifice. Et c'est la preuve ultime de la générosité des Luxembourgeois. Car avec ce détournement d'impôts, ils font également mourir dans le reste du monde plein de gens de pauvreté et tout ça gratuitement. Merci Guillaume Meurice. Il est 17h43 à Marcq-en-Barœul. C'est dans les Hauts-de-France où les employés d'une boîte d'assurance ont eu la surprise de recevoir 1200 euros de leur patron. C'est le cadeau de départ à la retraite de ce patron, un Américain qui a rossé 8000 employés dans le monde pour un total de 9 millions d'euros pris sur sa fortune personnelle. Et voilà la réaction des employés en France. J'aime ma boîte, et moi je l'assume. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, j'aime ma boîte, et mon entreprise. Oui, j'aime France Inter. Voilà, pour cette perle que nous avait décotée Guillaume Meurice lors d'un reportage, n'est-ce pas? Et ça leur fait un petit peu le droit d'auteur. Bah, voilà, c'est pas évidemment. Non, c'est oui. Plus que c'était la playlist de France Inter. Aurel est avec nous, le dessinateur. Et voilà donc cette histoire, comme vous pouvez le lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il s'appelle Henri Engelhardt, PDG et actionnaire parmi les plus importants d'un groupe d'assurance internationale qui a pris 9 millions d'euros pour les distribuer à ses 8000 employés. Donc ça fait 1200 euros par employé. Ceux qui sont là depuis moins de 6 mois touchent 600 euros. Donc Aurel, c'est possible? Il y a des patrons avec des parachutes dorés, ouais, moi, etc. Moi, je travaille au Monde, notamment. Alors, peut-être que je me dis, peut-être un jour, Pierre Berger, Xavier Niel, ils auront peut-être un petit quelque chose pour nous. On sait jamais. Vous les croyez capables? Ouais. Vous les croyez capables de ça? Non, j'en sais rien, je ne les connais absolument pas, je ne voudrais pas me froisser. Hein, c'est mais j'en suis sûr qu'ils sont capables, oui, je voulais dire, je suis sûr qu'ils sont capables. Quand le patron ici, justement, n'est pas un salaud qui se barre en parachute doré, au contraire, partage une partie de sa fortune. Alors, il a quatre enfants, les enfants pourraient râler, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est plus difficile à caricaturer? Non, c'est pas difficile à caricaturer. Enfin, oui, parce que c'est plus difficile qu'un salaud, parce que. Mm-hmm. Mais on sait très bien que la caricature, par essence, c'est pas tout à fait la vérité non plus. Donc, ouais. On se sert de ce qui est très grossi ou très grossier chez certaines personnes. Là, typiquement, quand on voit un truc comme ça, on a envie de dire ah bah oui, il est gentil quand même. Enfin, il est gentil ou il est paternaliste? Bah peut-être oui, c'est la suite. Il va se faire engueuler. Non mais je lui ai grillé sa chronique, alors elle me grille mon argumentation. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, j'en ai venir là, il y a un côté éventuellement paternaliste, mais surtout c'est que ce qu'on dit pas c'est dit dans l'article, mais que le gars a une fortune personnelle d'un milliard d'euros qu'il a bien constitué d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas tout à fait grâce aux employés. C'est pas tout à fait absurde qu'il reverse un petit peu à un moment donné, et il aurait dû, même si vous voulez savoir ce que j'en pense, verser plus dès le départ. Ouais. Ses salariés, voilà. Donc on va l'engueuler. On en est au point. Non, voilà, oui, je pense qu'on peut l'engueuler. Paternaliste, plutôt. Paternaliste, est-ce qu'on l'est forcément un peu quand on dirige une PME? Vous avez votre dernière BD, c'est La Menuiserie, chronique d'une fermeture annoncée de cette menuiserie familiale, 4 générations chez vous. Il n'y a pas de scope pour reprendre. Votre papa, il reste 2 ans et puis il prend sa retraite. Il y a un côté un peu paternaliste quand on a 4-5 employés comme ça et on vit avec eux. Alors vivre avec eux, c'est dans certaines limites quand même. Oui, bien sûr, mais c'est un petit. Non, mais il y a je pense qu'il y a le risque du paternalisme. En effet, dans ce cas-là, j'ai pas l'impression. Parce que le paternalisme, c'est s'occuper par exemple de la vie des gens, ouais, et de leur vie personnelle et tout ça, ce dont mon père s'est à peu près tout le temps gardé, je pense. Là où je pense qu'il y a eu un petit côté paternaliste, mais sans plus, c'était dans cette volonté de l'homme de gauche que ça soit une scope et que ce soit les ouvriers qui reprennent le truc. Sauf qu'on ne fait pas une SCOP sans la volonté des ouvriers. Et donc là, finalement, la SCOP, elle était plus de la volonté du patron, finalement, que finalement des ouvriers, parce que sinon, il l'aurait fait. Et ça, c'est l'épilogue que vous pouvez lire dans la bande dessinée que Juliette Arnaud a lu également et que vous avez aimé. Que j'ai adoré, Longtemps, merci. Je me suis couchée de bonne heure, comme Marcel, si, Alex. Et longtemps, j'ai cru que PDG, c'était une insulte. Au même titre que social-démocrate, ou phallocrate, ou dentiste. Alors PDG, patron, chef, oui chef, tout ça, tout ça. Et les charlots n'ont rien arrangé. Merci, maman ! Merci, patron ! Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci, patron ! Alors aujourd'hui, je vous le dis, Aurèle, officiellement, merci à vous, fils de patron, de m'avoir tenu la main le long de la lecture de La Menuiserie. J'ai appréhendé autrement, malgré ma tronche farcie d'idées toutes faites, la réalité d'un petit patron d'entreprise, un héritier en plus. Quatre générations de père en fils. Ah oui, il cumule votre père quand même. En ces temps de Nuit Debout, dont, et du film de Ruffin, du même nom que celui des Charlots, justement, Merci Patron, des Panama Papers, La Menuiserie propose une autre perspective largement aussi réelle que celle de ces millionnaires toujours plus riches, toujours plus enclins à ne pas payer d'impôts et à se faire mazouter par Guillaume Meurice. Merci, bisous, merci. L'autre perspective, disais-je, c'est celle des gens qui dirigent des petites entreprises loin des grandes villes avec un savoir-faire, avec des difficultés par-dessus la tête pour s'adapter à un monde qui n'arrête pas de changer. Le VLC et l'alu à la place du bois pour les fenêtres, par exemple, une charge administrative délirante, on croirait que c'est Brésil. Et lorsque l'heure de la retraite approche, pas d'héritier, puisque vous préférez dessiner, pas de repreneur, et donc la menuiserie va mourir. Là, vous allez me dire, je vous entends déjà, ah, ça va, elle pousse la mère Arnaud, la menuiserie va mourir, sanglots, violons, la mort de Violette dans la Traviata, entre deux crachats et en plein délire sacrificiel aussi, non ? Faut qu'elle arrête le drama, c'est pas quelqu'un, c'est une boîte, c'est une entreprise. Bah, sauf que si, c'est quelqu'un, la menuiserie. Et en fermant, elle en porte avec elle les parcours des gens qui ont bossé ici, le patron, les employés, comment ils ont travaillé ensemble, vécu ensemble, comment leurs natures individuelles se sont conciliées plus ou moins facilement avec la vie de l'entreprise. La rouille aurait un charme fou si elle ne s'attaquait qu'aux grilles, chantait Maxime Le Forestier. Or elle s'attaque à la rouille, à l'ocre jaune et aux roues. Il s'échine à garder la trace, il écoute les acteurs de cette histoire bientôt achevée, note leurs réflexions, dessine leurs gestes quotidiens, reproduit les décors, va et vient entre le plus grand réalisme, c'est quoi la différence entre une scie circulaire et une scie à ruban, et des planches sublimes. Par exemple, les Cévennes battues par la pluie. Et les Vents, ah, la beauté résistante des Vents, ça c'est sûr, c'est pas la Riviera de Jacques Médecin, c'est aussi ça, le Sud. Le récit d'un de ces menuisiers qui s'entraîne au marathon pendant ses heures de libre et en courant sur un 100 mètres avec un blaireau. L'autre qui dit, le problème avec l'argent, c'est que plus on en a, plus on en veut. Et ça, ça fonctionne aussi avec la chirurgie esthétique. Hein, Isabelle Huppert, Adjani, Balkany, Rourke et l'alcool. Hein, Juliette Arnaud. J'ai eu la gorge serrée, je vous dis la vérité, et ça m'a fait repenser à une réplique de la chambre offerte de Truffaut en 1978, où le médecin s'adresse à l'homme endeuillé qui a perdu sa femme et qui lui dit « Ne pensez pas que vous l'avez perdue, maintenant, pensez que vous ne pouvez plus la perdre. Consacrez-lui toutes vos pensées, tous vos actes, votre amour. Vous verrez que les morts nous appartiennent. Si nous acceptons de leur appartenir, croyez-moi, nos morts peuvent continuer à vivre. » Waouh, merci beaucoup. D'Arnaud, je vous en supplie. C'est qu'elle l'a lu avec les tripes aussi, Juliette Arnaud, votre bande dessinée. Je rappelle les références, La Menuiserie, chronique d'une fermeture annoncée aux éditions Futuropolis. Une bande dessinée en noir et blanc, mais avec beaucoup, beaucoup de nuances. Et une très belle BD qu'on recommande chaudement. Merci et quand beaucoup. On dit chaudement, c'est qu'on l'a vraiment beaucoup aimé. Quand on dit ça rien, c'est normal qu'on a transpiré en la lisant, bien sûr. Allez, on est sur France Inter, donc avec Aurel. Il y a toujours Guillaume Meurice qui est là, Hippolyte Girardot au taquet, ouais, tout le monde est resté. Évidemment, Alex Vizorek, étonnamment. Ouais. Allez, troisième sujet, partez sur les traces des atrocités commises par les dictateurs du bloc communiste. Ouais. Visite du palais de Ceausescu, une nuit dans un bunker albanais ou visiter Tchernobyl. Et oui, il y a des tours opérateurs pour ça. Eh bien, voici un aperçu du grand frisson lors d'une visite guidée. À Novgorod, mangez un jour rarotti. Et même un chauve-souris, grand luxe, très cher, 20 roubles un chauve-souris. Persécution terrible, nazi à côté, rien du tout. Là, regardez-lui, ongle arraché. Moi, parce que je fais twist, deux doigts du pied. pas. C'est vrai qu'il faut vivre deux familles dans une pièce. Chez nous, 18 personnes. Pas possible tous dormir, alors faire un tour chacun 2 heures. 6 dormir, les autres debout, escalier. Les pauvres gens. Les Spoutnik. Oh, conquête de l'espace, oui. Mais le prix aussi pour les mères. Ils choisissent bébés les plus robustes pour les préparer astronautes. Habitants, tout de suite, ils mettent bébé sur manège gigantesque de chevaux blancs. Oh, mon Dieu. Et c'était Don Camillo en Russie, figurez-vous. Vous l'aurez pas deviné, ça. Hein. Non. Hein, pourquoi vous rigolez? On passe de la chambre verte à Don Camillo. Mais ça, oui, exactement. C'est oui, ça c'est la douche écossaise. Alors, c'est un article à lire dans le Figaro aujourd'hui sur ce tourisme des dictatures. Alors, il y a deux catégories. Il y a le, par exemple, le palais de Ceausescu qui a été fermé pendant 25 ans et qu'on peut redécouvrir avec quand même un goût du bling-bling assez dégueulasse. Et puis, il y a aussi cette catégorie plus étrange qui est de passer une nuit dans un bed and bunker en Albanie parce que le dictateur en avait fait construire des milliers des bunkers dans sa paranoïa, ou Tchernobyl où on peut rester quelques heures et même manger de la nourriture saine et puis vite repartir. Moi je me demandais un petit peu votre regard de dessinateur caricaturiste sur ce tourisme qui récupère en fait le communisme, parce que le tourisme c'est faire de l'argent. Ouais, bien sûr. Vous trouvez que c'est une déviance d'aller voir ces choses-là, vous êtes, c'est de la curiosité. Je pense que ça dépend comment c'est fait, parce que ça peut être intéressant, en effet, historiquement, d'aller voir ce qui reste. C'est plutôt l'utilisation. Enfin, j'ai vu que l'article était notamment fait par le Figaro en France, donc c'est l'utilisation de communistes pour oui. parler de Ceausescu. Enfin, ça me paraît être un gros raccourci, même oui, si bon, c'est vrai qu'il y a une réalité à ça, mais c'est le communisme, c'est quand même autre chose aussi. Et les dictateurs du bloc communiste, voilà, on peut dire. C'est plus en fait un dictateur tour, j'ai l'impression, que quelque ouais. chose. Ouais. Après, c'est tout. On en revient à la chronique d'Hippolyte Girardot tout à l'heure sur tout noter, tout se visite, tout on fait du fric avec tout. Ouais, bon, voilà, ce qu'il y a, c'est que maintenant c'est un peu organisé parce que moi j'ai tourné en Roumanie et il y avait des soirées clandestines. Le truc était abandonné déjà, mais dans le sous-sol du palais. Donc il y avait des mecs qui payaient des bakchiches très chers pour organiser des soirées dans les sous-sols de ce palais. Donc finalement maintenant juste ils le récupèrent et ils en font effectivement peut-être une application, mais ça existe depuis toujours. Est-ce qu'il y a pas aussi une sorte de volonté de revanche, de dire ça y est maintenant on a, quand on est dans une dictature, j'imagine qu'on fantasme ou un régime autoritaire sur le palais avec les robinets en or, etc. Et puis à un moment on peut y entrer. On verra ce que font les anciens salariés de Canal Plus. Non mais nous on trouve ça en France d'aller visiter Versailles, de faire 2500 émissions sur Versailles, sur le service public. Oui. On trouve ça tout à fait naturel. Les journées du patrimoine. Par exemple. Non, enfin, typiquement, Versailles, c'était pas un endroit où se décidaient les mesures les plus démocrates de la Terre. De là à passer la nuit dans un bunker pour vivre le frisson. Oui, tout à fait. Je suis pas sûr que je le ferai. Je sais pas s'il existe Airbnb bunker C'est en passe d'être développé. Voilà. Mais je vous encourage quand même à lire parce qu'il y a c'est marrant au Cambodge, près du centre de torture S21, il y a des commerçants qui vendent aux touristes de l'argent khmer, en réalité fabriqué en Chine. Vous voyez. Alors qu'on sait que Pol Pot avait justement mis fin à la monnaie. Voilà. Donc. Alors n'achetez pas le Figaro, hein. Pour autant, volez-le, hein. Bien évidemment. Aurel et Alex, vous savez, c'est l'heure de quoi là? C'est l'heure de quoi? Écoutez. Et je crois que c'est le moment venu de rire un peu. Nous allons faire un bon petit sketch. C'est l'heure du bon petit sketch, évidemment. Et Aurel, si vous acceptez, le thème du jour, c'est que apparemment Cyril Hanouna pourrait reprendre le zapping sur Canal+. Alors comment ça va se passer si c'est lui la tête de ça? Guillaume Meurice et Cyril Hanouna, Charline et vous bossez aux manettes. Salut mes petites beautés. Bonjour monsieur Hanouna. Allez hop, on s'y met à ce bêtisier, on y va. Ah, ce n'est pas un bêtisier, c'est un zapping. Oui, les bêtisiers, c'est à Noël. Oui, mais ici, c'est Noël tous les jours, les cocos. Ah, oui. Alors, je tiens à vous rassurer, moi, j'ai aucun problème quant au contenu, mais je veux un format punchy, dynamique, jeune. Ouais. C'est-à-dire On doit zapper sur des extraits très courts. Oui, enfin, c'est-à-dire Si tu prends un court extrait dans cette émission, là, juste le moment où il dit... Je... Voilà, ouais, top, voilà. Et puis dans celle-là, tu prends le moment où il dit... Kiff. Voilà, exact. Je... Kiff. Bel enchaînement. Ouais. Trouve-moi un passage où quelqu'un dit Vincent Bolloré et on a notre zapping du jour. Mais c'est pas... Non, mais je veux de l'impertinence. Ah, bonjour l'équipe. Ah, bonjour monsieur Bolloré. J'ai entendu le mot impertinence. Pardon papa, c'est pas ce que vous croyez. Là, je voulais moi la jambe, Cyril. Alors, ce petit bêtisier. Là, j'ai plus TF1. Hein. Et moi, France 3. Non, concentrez-vous sur les programmes de débit. Mais débit, c'est. D'accord. Moi, sur une chaîne japonaise, j'avais trouvé une gogo danseuse qui boit de la vodka Q-sec. Ah, c'est génial, génial ça. On le met dans le zapping alors? Non, ça, tu le gardes pour touche pas à mon poste. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le zapping? Bah ouais, il y a une image de Sarkozy en Inde. Non, mon petit Nicolas, c'est non. Non, pas raison. Hein. Oui. T'as pas une image de Julien Lepers dans Question pour un champion? Il a été viré, Julien Lepers. J'ai viré Lepers, moi. Non, pas vous. Il était sur François. Bon, alors, on met qui alors? Bah, alors hier, dans touche pas à mon poste, il y avait un super moment où Mathieu Delormeau se fait retirer les testicules sur une plancha. Ah oui, ça c'est génial. Ça dure combien de temps? Un bon 35 minutes. Parfait, on raccourcit le grand journal et on met la séquence de 35 minutes dans le zapping. Mais c'est plus un zapping. Ah, mais taisez-vous mes petites beautés ou je sors la plancha. Hein, ici c'est papa qui décide. Merci, mes petites. Et voilà. Voilà, parce le petit sketch. Je savais pas que vous saviez imiter Cyril Hanouna comme ça. Moi non plus, je ne savais pas. Le matin, quand je lui propose le rôle, il ne sait pas qu'il est capable. Aurel, dites-nous aussi, dans la menuiserie chronique d'une fermeture annoncée, si on peut dire BD, reportage social, le choix du noir et blanc, c'est une forme de tradition dans ce secteur? Ou vous êtes nul en couleur? Ouais, je crois que l'éditeur a vu mes premières planches couleurs, m'a dit non, on va faire du noir et blanc en fait. Non, mais c'est vrai que mes couleurs, je les fais habituellement à l'ordinateur pour tout ce qui est dessin de presse. Mm-hmm. Il veut pas reprendre la menuiserie, il bosse à l'ordinateur. C'est pas une feignasse en fait, tout simplement. C'est pas loin d'être ça, ouais, c'est pas loin d'être ça. Et c'est vrai que là, j'avais envie de quelque chose de plus avec de la matière, avec plus de plus chaud. Mais le travail en couleur, c'est vraiment un travail à part. Le travail de la couleur en prise directe, enfin ouais, directement sur la planche, c'est un travail énorme et je me sentais plus de le faire de toute façon en noir et blanc. Il y a un dessin en couleur que j'adore de vous, c'est celui de la pochette de Frédéric Fromet, car c'est vous qui avez dessiné sur l'album, ça, Fromet. Tout à fait. Vous soutenez ce genre de création, et félicitations mon petit bonhomme. Oh, vous, c'est pour l'argent, on ferait pas ça. Eh bien, Aurel, évidemment, dans Le Monde ou dans Politis, et surtout la bande dessinée La Menuiserie, chronique d'une fermeture annoncée, édition Futuropolis. Merci beaucoup, Aurel. Merci beaucoup à vous, c'était très sympa. Merci, on se retrouve demain avec Ken Kojandi, et voici le mot de la fin au mouvement Nuit Debout délogé par la préfecture de police de Paris. Eh bien, selon nos gentils hôtes, nos rêves seraient une psychose collective, une hystérie bien disciplinée. Ah oui, ça c'est vrai.